nos ennemis les bêtes. Aujourd'hui, il est... Medvin Pluto. Méfie-toi, au bout de 48 heures, ils vont venir s'excuser malgré votre aspect.